Chapitre 29. Comment Hagen ne se leva pas devant elle. Les deux héros dignes de louange se quittèrent, Hagen de Trondheim et le seigneur d'Ittrich. L'homme lige du roi Gunther regarda par-dessus son épaule pour chercher un compagnon de guerre qu'il trouva aussitôt. Il vit, se tenant près de Giselher, Folker, le beau joueur de viol. Il le pria de l'accompagner, car il connaissait bien son humeur belliqueuse. Folker était de tout point un chevalier bon et vaillant. Ils laissèrent les chefs à la cour. On les vit partir seuls, à eux deux, traverser la cour et se diriger à quelque distance de là, vers un vaste palais. Les guerriers d'élite ne craignaient l'inimitié de personne. Ils s'assirent devant cette demeure sur un banc, en face d'une salle où se tenait Kriemhild. Leurs magnifiques armures répandaient leur éclat autour de leurs personnes. Beaucoup de ceux qui les voyaient auraient voulu les connaître. Les Yunen considéraient avec stupéfaction les audacieux héros, comme on considère des bêtes fauves. La femme d'Etzel les regarda par la fenêtre. L'âme de la belle Kriemhild fut affligée à leur vue. Cela la faisait penser à ses souffrances. Elle se prit à pleurer. Les hommes d'Etzel s'étonnaient de ce qui pouvait ainsi assombrir son cœur. Elle dit « Hagen en est la cause, héros vaillants et bons. » Ils répondirent à la dame « Comment cela s'est-il fait? Car naguère encore nous vous avons vue joyeuse. Quelque brave que soit celui qui vous a affligée, dites-nous de vous venger et il lui en coûtera la vie. » « À celui qui vengera mon offense, toujours je serai obligée. Je suis prête à lui accorder tout ce qu'il désirera. Je vous en prie à genoux, ajouta la femme du roi, vengez-moi de Hagen et qu'il perde la vie. » Aussitôt 60 hommes hardis saignirent l'épée. Pour l'amour de Kriemhild, ils voulaient aller trouver Hagen et tuer ce guerrier très vaillant ainsi que le joueur de viol. Ils se consultèrent à cet effet. La reine, voyant la troupe si peu nombreuse, dit aux guerriers d'une humeur irritée « Quittez la résolution que vous avez prise, jamais vous ne pourrez lutter en si petit nombre contre le terrible Hagen. Mais quelque vaillant et quelque fort que soit Hagen de Trondheim, celui qui est assis près de lui, Folker, le joueur de viol, est encore beaucoup plus fort. C'est un homme terrible. » Non, vous ne devez pas attaquer si légèrement ces héros. » Quand ils entendirent cela, un plus grand nombre d'entre eux, 400, s'armèrent. La superbe reine se réjouissait à l'idée du mal qu'elle allait infliger à ses ennemis. Il en résulta maint souci aux guerriers. Quand elle vit sa troupe bien armée, la reine parla aux héros rapides. « Maintenant, attendez encore, demeurez ici en paix. Je m'avancerai portant la couronne vers mes ennemis. Je reprocherai à Hagen de Trondheim, l'homme de Gunther, le mal qu'il m'a fait. Je le connais si outrecuidant qu'il ne me le déniera pas, mais aussi le mal qui lui en arrivera ne m'affligera guère. Le joueur de viol, cet homme prodigieusement brave, voyant la noble reine descendre les degrés pour sortir du palais, s'adressa à son compagnon d'armes. « Voyez, ami Hagen, comme elle s'avance superbe, celle qui nous a invités traîtreusement en ce pays. Jamais je ne vis avec femme de roi marcher tant d'hommes portant l'épée à la main et armés en guerre. Savez-vous, ami Hagen, s'ils ont de la haine contre vous? S'il en est ainsi, je vous conseille de bien veiller à votre vie et à votre honneur. Oui, cela me paraît sage, car si je ne m'abuse, ils ont le cœur irrité. Et tous sont larges d'épaule. » Il est temps pour celui qui veut se défendre. Je crois qu'ils portent leurs brillantes cottes de mailles, mais personne ne m'a dit à qui ils en veulent. » Hagen, l'homme hardi, répondit l'âme ulcérée. « Je sais bien que c'est pour m'attaquer qu'ils ont pris en main leurs armes brillantes, mais je puis encore leur échapper et retourner au pays des Burgondes. Maintenant dites-moi, ami Folker, consentez-vous à me secourir si les hommes de Kriemhild veulent m'attaquer ? Au nom de l'amitié que vous me portez, répondez. Moi, désormais, je vous serai toujours fidèlement dévoué. Certes, je vous viendrai en aide, dit le joueur de viol, et quand je verrai marcher contre vous le roi avec tous ses hommes, Tant que je vivrai, je ne reculerai pas d'un pied de vos côtés, par crainte. Maintenant, très noble Folker, je rends grâce au Dieu du ciel. Quand il m'attaquerait, quel autre secours dois-je désirer? Puisque vous voulez me venir en aide, ainsi que je l'apprends, l'affaire deviendra périlleuse pour ces guerriers. Levons-nous de notre siège, ajouta le joueur de viol. Elle est reine. Si elle passe devant nous, rendons-lui honneur, c'est une femme noble, et ainsi on prisera davantage nos personnes. Non, pour l'amour de moi, dit Hagen. Ils pourraient croire, ces hommes, que j'agis par crainte et que je veux m'en aller. Jamais, pour aucun d'entre eux, je ne me lèverai de mon siège. Certes, il nous convient de laisser là cette courtoisie. Pourquoi ferais-je honneur à qui me porte de la haine? Jamais je ne le ferai, tant que la vie me restera. Et d'ailleurs, je m'inquiète peu de l'inimitié de la femme du roi Etzel. » L'arrogant Hagen posa sur ses genoux une épée très brillante. Sur le pommeau se détachait un jaspe éclatant, plus vert que l'herbe. Kriemhild reconnut bien que c'était celle de Siegfried. En reconnaissant l'épée, toute sa douleur la reprit. La poignée était d'or, le fourreau fait d'un galon rouge. Cela lui rappela ses malheurs. Elle se mit à pleurer. Je pense que Hagen le Hardi avait agi ainsi à dessein. Folker, le rapide, plaça près de lui sur le banc un archet puissant, long et fort, tout semblable à un glaive large et acéré. Les deux chefs superbes étaient là, assis sans nulle peur. Ces deux hommes audacieux étaient si altiers qu'ils ne voulurent point se lever de leur siège par crainte de qui que ce fût. La noble reine passa devant eux et leur fit un salut plein de haine. Elle parla. « Maintenant, sire Hagen, qui vous a envoyé quérir que vous ayez osé chevaucher en ce pays, vous, qui savez bien tout le mal que vous m'avez fait? Avec un peu de bon sens, vous eussiez bien pu renoncer à ce voyage. »« Personne ne m'a envoyé quérir, » répondit Hagen. « Mais on a invité en ce pays trois chefs qui sont mes maîtres. Je suis leur homme lige, et en de semblables voyages de cour, je suis rarement resté en arrière. » Elle reprit. « Mais dites-moi plus, pourquoi avez-vous agi de façon à toujours provoquer ma haine? Vous avez tué Siegfried, mon époux bien-aimé, dont je déplorerai de plus en plus la mort jusqu'à ma fin. » Il dit. « En voilà assez, n'en dites pas davantage. Oui, je suis ce Hagen qui a tué Siegfried, le héros au bras puissant. Ah, comme il a payé cher les paroles injurieuses que Dame Kriemhild a adressées à la belle Brunhild. Oui, sans mentir, cela est ainsi, puissante reine. C'est moi qui suis la cause de tous vos maux. Maintenant, en tire vengeance qui veut, homme ou femme. Je ne veux pas le nier, je vous ai fait grand dommage. » Elle reprit. « Vous l'entendez, guerrier? Il ne désavoue pas tous les maux qu'il m'a causés. Maintenant, homme d'Etzel, je ne m'inquiète plus de ce qui pourra en résulter pour lui. » Ces guerriers audacieux commencèrent de s'entre-regarder. Quiconque eût commencé le combat, il eût certes dû en céder l'honneur aux deux compagnons, car maintes fois ils avaient vaincu dans les batailles. Par crainte, les Younen abandonnèrent le projet qu'ils avaient formé. L'un d'eux prit la parole. « Pourquoi me regardez-vous? Je renonce à accomplir ce que j'ai promis, car, pour les dons de personne, je ne veux perdre la vie. Oui, la femme du roi Etzel veut nous conduire au mal. » Un autre parla à son tour. « J'ai même sentiment. Quand on me donnerait des tours entières de bonheur rouge, je ne voudrais pas combattre ce joueur de viol à cause des terribles regards que je lui ai vus jeter. Je connais aussi Hagen depuis sa jeunesse, et je crois facilement tout ce qu'on peut dire de lui. Je l'ai vu dans 22 combats, et par son fait, que de femmes ont eu le cœur brisé. Lui et le héros d'Espagne ont accompli bien des exploits pendant que, près d'Etzel, ils combattaient en maintes batailles en l'honneur du roi. Cela est arrivé souvent, et, pour ce motif, on ne peut contester la gloire de Hagen. Alors le guerrier était encore adolescent. Les jeunes gens de ce temps-là, comme ils ont grisonné maintenant. Il est dans toute la force de son esprit, et c'est un homme terrible. Il porte Balmung, qu'il acquit déloyalement. » Là-dessus, on se sépara sans combattre. Ce fut un grand crève-cœur pour la reine. Les Younen se retirèrent, car ils craignaient de recevoir la mort de la main du ménestrel, et certes, ils eussent été en grand péril. Le joueur de viol parla. « Nous avons bien vu maintenant que nous rencontrons ici des ennemis, comme nous l'avons entendu dire. Allons rejoindre le roi à la cour, et personne alors n'osera attaquer nos maîtres. » Souvent, les hommes renoncent par crainte à leur projet quand l'ami se tient fidèlement à côté de son ami, et s'il a du bon sens, il n'agira jamais autrement. Un sens droit empêcherait la perte de bien des hommes. « Je vous suivrai, » dit Hagen. Ils allèrent trouver les guerriers richement vêtus qui se préparaient pour la réception à la cour. Volker le Hardi se mit à parler à très haute voix à ses maîtres. « Combien de temps demeurerez-vous ici à vous laisser presser par la foule ? Rendez-vous à la cour et apprenez du roi quelles sont ses dispositions. » On vit se rassembler ces héros braves et bons. Le prince de Vérone prit par la main Gunther le très puissant du pays des Burgondes, et Anfrit prit Gernot, l'homme très hardi, et l'on vit Rudiger s'avancer vers la cour avec Giselher. Mais de quelque façon qu'on se réunit pour se rendre à la cour, Volker et Hagen ne se séparèrent point jusqu'à la fin de leur jour, excepté dans un seul combat, et à ce sujet de nobles femmes pleurèrent bien amèrement. On vit s'avancer vers la cour, avec les rois, leur illustre suite, 1000 hommes hardis et 60 chefs qui les avaient accompagnés et que Hagen avait choisis en son pays. Havart et Hyrink, deux hommes d'élite, marchaient de compagnie à côté des rois, puis Dankwart et Wolfhart, une épée glorieuse, qui tous deux excellaient en vertu avant tous les autres. Au moment où le puissant souverain du Rhin entra dans le palais, Etzel ne demeura point assis. Il se leva de son siège quand il les vit venir. Jamais roi ne fit un aussi brillant accueil. « Soyez les bienvenus, seigneur Gunther, et vous, seigneur Gernot et Giselher, votre frère. Je vous fis offrir mes services avec affection et loyauté à Worms sur le Rhin. Que toute votre suite soit également la bienvenue parmi nous. Et vous aussi, vaillant guerrier, Volker le très brave et Hagen, soyez les bienvenus en ces pays pour moi et pour ma femme. » Elle vous a envoyé main messager sur le Rhin. » Hagen de Troneil répondit. « Oui, je l'appris. Et si je n'étais pas venu chez les Jonen à la suite de mes maîtres, j'aurais chevauché de moi-même vers ce pays pour vous faire honneur. » Le noble roi prit alors ses chers hôtes par la main. Il les mena jusqu'au siège où il était assis auparavant. On versa aux étrangers, avec empressement, dans de larges coupes d'or, de l'hydromel, du moratz et du vin. Et il souhaita très cordialement la bienvenue aux étrangers. Le moratz est une boisson préparée avec du vin et du jus de mûre. Le roi Etzel parla. « Oui, je puis vous l'affirmer, rien ne pouvait m'être plus agréable en ce monde, ô héros, que votre venue. La reine est ainsi délivrée d'une grande tristesse. Je me demandais toujours avec surprise ce que j'avais pu vous faire, moi, qui avais reçu tant de nobles hôtes, pour que vous ne consentissiez pas à venir en ce pays. C'est pour moi un bien grand bonheur de vous avoir vu. » Rudiger répondit, ce chevalier au noble cœur. « Vous pouvez en effet les recevoir avec plaisir. Leur loyauté est grande. Les parents de ma souveraine ont voulu vous faire honneur, car ils ont amené chez vous maint illustre guerrier. » Les chefs s'étaient rendus à la cour du puissant Etzel le soir du solstice d'été. Rarement on a ouï parler d'une réception aussi magnifique que celle de ces héros. Le temps du banquet étant venu, le roi se rendit à table avec eux. Jamais hôte ne siégea plus magnifiquement à côté de ses convives. On leur servit avec profusion à boire et à manger. On était prêt à leur donner tout ce qu'ils désiraient. Tant de merveilles avaient été racontées de ces héros. Etzel le riche avait appliqué à une construction ses soins, son argent et un immense travail. Il avait fait élever dans un vaste bourg un palais, des tours, des appartements sans nombre et une salle royale, longue, haute et large, parce que tant de guerriers le venaient visiter en tout temps. Sans le reste de la suite, 12 nobles et puissants rois étaient près de lui, et toujours il avait à ses côtés plus de guerriers estimés qu'aucun souverain ne s'en attacha jamais, d'après ce que j'ai appris. Entouré de ses parents et de ses hommes liges, il vivait en une haute félicité. Ce bon prince avait l'âme réjouie du bruit des passes d'armes auxquelles se livraient les chevaliers agiles.